T'es pas. Si demain, en un coup de baguette magique, il n'y a plus d'arabes et de noirs en France, il n'y a plus de délinquance.